Chapitre 7e. La pluie avait cessé d'assombrir les vitres. François, revenu de son expédition, en préparait déjà une autre, quand Geneviève prit un grand parti. « Me permettras-tu, dit-elle à son mari, la veille d'un nouveau départ, d'aller passer le temps de ton absence chez ma mère ?» Victoire tressaillit comme sous la piqûre d'un temps. Si Geneviève prenait l'offensive, la maison ne serait plus tenable. « Sans doute, dit François ébahi. « Je n'ai point de motif pour t'empêcher d'aller voir ta mère. Mais ne ferais-tu pas mieux de l'inviter à venir ici? Sa maison n'est ni grande ni commode. Il me semble que pour elle-même ce serait plus agréable d'habiter le domaine, ne fût-ce que quelques jours. « Je te remercie, » dit Geneviève d'une voix nette, qui vibra jusqu'au fond de la salle. « Mais je serais plus à ma place chez ma mère en ton absence que ma mère ne serait la sienne ici. Elle y a été mal reçue, et ni elle ni moi ne sommes d'humeur à le supporter une seconde fois. » « Je vais te dire, François, » se hâta d'expliquer Madame Bocquen, « ta femme s'est figurée que je n'aime pas Céleste sur je ne sais quel commérage de servante. » Mélie, sans oser rien dire, regarda la quenelle bien en face. Le regard scrutateur du meunier alla de l'une à l'autre et son opinion fut faite. « N'importe, ma mère, » dit-il, « que vous aimiez Céleste ou que vous ne l'aimiez pas, elle est la mère de ma femme. Et à ce titre, je lui dois autant de considération que Geneviève vous en doit à vous-même. » Elle fera ce qu'il lui plaît, ici comme chez elle. Tu peux le lui dire de ma part, Geneviève, mais il me semble qu'on ne devra pas avoir besoin de le lui dire. « Je te remercie, mon François, » dit la jeune femme, avec son calme habituel. « À l'ordinaire, ma mère viendra me voir ici quand tu y seras. Mais permets, pendant tes voyages, que j'y aille quelquefois. Le temps me dure quand tu n'es pas là. »« Elle s'ennuie avec nous, » dit aigrement Victoire. « Nous ne savons pas l'amuser. »« Allons, ne la taquinez pas. » N'est-il pas naturel qu'elle aime sa mère? Que diriez-vous si, depuis mon mariage, je m'étais désaccoutumé de vous aimer? Ce n'est pas la même chose, faillit dire Victoire. Elle se retint, mais son fils avait lu sur son visage. Faites bon accueil à Céleste pour l'amour de moi, dit-il d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. Et toi, ma femme, tu n'as ni conseil ni ordre à recevoir de personne. Tu es la maîtresse de tes actions, puisque ton mari te donne toute liberté. Victoire ne put contenir son humeur. Et faute d'un prétexte réel, elle se rejeta sur le grand reproche des ménagères campagnardes. Nous avions bien besoin de nous embarrasser d'une bru qui ne sait pas seulement avoir d'enfants. Si je la taquine, c'est que le cœur me saigne en pensant que vous voilà mariée depuis 6 mois et qu'il n'en est pas seulement question. Les yeux de François et ceux de Geneviève se croisèrent avec un tel rayonnement de tendresse que Madame Bocquen en fut saisie. Vous serez grand-mère avant la Pentecôte, dit-il, mais il n'est pas nécessaire de le crier sur les toits. L'hiver ne fait que commencer. Nous avons le temps d'en parler aux gens. Victoire se mit à pleurer. Est-ce que je ne devais pas être la première à le savoir? Gémit-elle dans son tablier. Une telle joie n'est pas faite pour être tenue secrète. On s'expose à des reproches non mérités. Il y aurait une chose, ma mère, dit François impatienté. Ce serait de ne point faire de reproches du tout, ni à personne. Chacun s'en trouverait mieux. La mère se tut, jugeant la leçon suffisante. Tu feras tout ce qu'il te plaira, Geneviève, dit-il en se tournant vers sa femme. « J'ai en toi pleine confiance, et ne te laisse pas molester. Qui te touche, me touche, et je te défendrai mieux que je ne sais me défendre moi-même. » Il sortit, un bras passé autour du cou de la jeune femme. Victoire les regarda s'éloigner avec un sentiment de joie et de colère. Elle avait bien envie de se voir un petit-fils, mais par quelle malchance fallait-il que ce fût en même temps l'enfant de Geneviève ?